إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence le cours 69 aujourd'hui dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan dans son commentaire qui s'intitule At-Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. On est dans la partie encore où Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah il explique les aspects de la religion de l'islam et comment la religion de l'islam appelle à être modérée et à ne pas être dans l'extrême et dans l'extrémisme et comment l'extrémisme en islam est blâmable. Donc il mentionne parmi les points qu'il a mentionnés, les exemples par rapport à la salat. Et comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment sa salat, elle était bien équilibrée. Et comment il ne prolongeait pas la prière d'une prolongation ou d'un prolongement trop long pour que ce soit trop dur pour les gens. Et comment il ne la faisait pas non plus trop courte pour que ce soit une prière qui soit pas bénéfique ou qui manque dans ses règles, dans ses principes ou dans ses piliers ou dans ses obligations. Donc il donnait à chaque mouvement et à chaque position son dû, mais en même temps il ne faisait pas d'excès dans la longueur de sa prière. Et on continue donc à mentionner d'autres exemples parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui confirme ce qu'on a expliqué jusqu'à date et qui continue à rajouter des détails de clarté et de clarification sur ce sujet-là. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il cite maintenant d'autres hadiths. Il dit « وروى مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك وقال قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة وكانت صلاة أبي بكر رضي الله عنه متقاربة فلما كان عمر مد في صلاة الفجر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم وروى أبو داود من حديث حماد بن سلمة أنبأنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يكبر ثم يسجد وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. فجمع أنس في هذا الحديث الصحيح بين الاختبار بين الإخبار بإيجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وإتمامها بين الإخبار بإيجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وإتمامها وبين أن من إتمامها الذي أخبر به إطالة الاعتدالين إطالة الاعتدالين. وأخبر في الحديث المتقدم أنه ما رأى أوجس من صلاته ولا أتم. فيشبه والله أعلم أو يشبه والله أعلم أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام والإتمام إلى الركوع والسجود، لأن القيام لا يكاد يفعل إلا تاما فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام، بخلاف الركوع والسجود والاعتدالين. Donc on va traduire maintenant les hadiths que le Cheikh Ibn Taymiyyah a mentionnés ici dans ce chapitre. Et c'est des hadiths très importants et très bénéfiques, puisque ça nous aide à comprendre l'exemple de la salat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et comment elle était sa prière. Donc il dit qu'il a été rapporté par l'imam Muslim dans son sahih des hadiths rapportés par Hammad ibn Salama. أخبرنا إلزي ثابت nous a rapporté selon Anas ibn Malik qu'il a dit je n'ai jamais prié derrière quelqu'un dont la prière était plus aujaz, c'est-à-dire yani, sa prière était plus yani, courte ou bien disons légère, hein, elle était pas trop longue, elle était si on veut résumée, hein, ou bien en voulant dire que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle n'était pas trop longue. Il n'a jamais prié derrière quelqu'un dont la prière était bien résumée, bien complète et bien résumée comme celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle était courte mais elle était complète. Et il dit que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle était rapprochée dans le sens que la durée de chaque position elle était d'une durée qui était yani, presque égale. Donc son qiyam, son rukur, son sujoud étaient de durée presque semblable yani. Et donc il dit la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam elle était rapprochée, rapproché ou bien proche, chaque mouvement était proche de l'autre dans la durée. Et la même chose pour la prière de Abu Bakr, hein. Et lorsque Omar est venu, hein, Omar a pris le khilafa après Abu Bakr, il a prolongé Salat al-Fajr, il l'a fait plus longue. Et il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il disait Sami Allahu liman hamida, il se tenait debout tellement longtemps que parfois les gens disaient il a oublié de se prosterner ou de faire le recours. Ou bien plutôt de se prosterner, oui, parce que quand il se relève du recours, il dit Sami Allahu liman hamida. Alors les sahabes disent il restait debout tellement longtemps qu'on avait l'impression qu'il avait peut-être oublié de se prosterner. Puis quand il se prosternait et qu'il s'assoyait entre les deux soujouds, il restait tellement longtemps assis droit qu'on avait comme l'impression qu'il avait oublié de se prosterner là, encore une fois. Hein? Donc c'est pour ça qu'ils disent « قَامَ حَتَّى نَقُولْ قَدْ أَوْهَمْ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولْ قَدْ أَوْهَمْ قد أوهم، c'est-à-dire il a manqué, il a oublié de se prosterner encore une fois. Donc c'est pour dire qu'il restait assez longtemps dans la position debout après le recours et il restait longtemps dans la position assise entre les deux soujouds. Il restait une durée de temps plus longue. Il dit « Wa rawa Abu Dawud min hadithi Hammad ibn Salama » Encore une fois, Abu Dawud, il rapporte parmi les hadiths rapportés selon Hammad ibn Salama, il dit « Thabit et Humaid nous ont rapporté, selon Anas ibn Malik, qu'il a dit « Je n'ai jamais prié derrière quelqu'un ou derrière un homme dont la prière était plus résumée hein, et dont elle était plus complète que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, courte et complète. » Hein? Donc ça c'est l'exemple de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'était pas trop longue, elle n'était pas déficiente, il n'y avait pas de manque dedans, elle était complète. Après il dit wa kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc lorsque il dit encore une fois le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait sami Allahu liman hamida, les gens quand il restait debout, après le recours, les gens disaient, il a oublié de se prosterner. Puis il faisait le takbir, puis il se prosternait. Puis quand il s'assoyait entre les deux sajda, entre les deux prosternations, il restait tellement longtemps assis parfois que les gens pensaient qu'il avait oublié de se prosterner encore une fois. Comme on l'a dit la première fois. Après il dit... Anas dans ce hadith, donc Cheikh al-Islam il explique maintenant qu'est-ce que ça signifie ces hadiths. Il dit que Anas radiallahu anhu, il a mentionné dans ces hadiths qu'est-ce qui est authentique à propos de l'information au sujet de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment elle était courte et comment elle était complète. Et il a expliqué que le fait que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit complète, c'est quand il explique que il prolongeait les deux positions dans lesquelles il était debout et assis. Et il a expliqué, comme on l'a mentionné dans les hadiths précédents, que il considérait que la prière, quand il la faisait courte, que sa prière était, il n'a jamais vu quelqu'un dont la prière était plus courte mais plus complète que la sienne. Il a dit, et ça c'est comme si il voulait dire que le fait qu'elle soit courte, c'est dans le fait de, quand il reste en position au début, quand il récite le Coran, quand il est debout, puis le fait qu'il la complète, en voulant dire quand il est dans le recours et dans le sujoud, il reste plus longtemps. Hein? Parce que le qiyam, quand on est debout, en général, c'est toujours complète, c'est toujours complété. On reste toujours debout une certaine durée de temps, surtout quand on récite le Coran. Mais c'est surtout parfois, quand est-ce qu'on a des négligences, quand est-ce qu'on reste peu longtemps, c'est dans le recours et dans le sujoud, on le fait plus vite. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des récitations du Coran plus courtes dans le qiyam, quand il était debout. Mais quand il était dans le recours et dans le sujoud, il prolongeait un peu plus. Donc sa prière, elle était équilibrée. Elle était égale, hein, en proportion. Et donc c'est ça qu'il explique ici. Et il dit, le Cheikh Al-Fawzan, maintenant il va faire quelques commentaires sur ça. Et il dit, dans le commentaire 10, قوله ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث الصحيح يدل على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن صلاته كانت معتدلة في قيامها وركوعها وسجودها وكذا بعد الرفع من الركوع والسجود وكان صلى الله عليه وسلم يعتدل في الركوع قائما ويطيل ذلك حتى يقال إنه قد أوهم أي نسي وكذلك بين السجدتين يجلس ويطيل الجلسة وفي هذا تنبيه لمن يخلون بهذين الركنين أي الاعتدال من الركوع والسجود لأن البعض يعني لا يكاد يرفع من الركوع أو السجود حتى يهوي مرة أخرى دون طمأنينة واعتدال فلا يجلس بين السجدتين ولا يعتدل من الركوع ويقف. وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تضييع لركنين من أركان الصلاة. Donc le cheikh explique que quand Anas ibn Malik rahimahullah wa yani radiyallahu anhu, il explique ici la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: j'ai jamais prié derrière quelqu'un dont la prière était plus courte et plus complète que celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ça, c'est un hadith authentique qui indique la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment sa prière était équilibrée dans le qiyam, quand il est debout, dans le rukou', quand il est incliné, et dans le sujoud, quand il est prosterné. Et également, quand il se relevait du rukou' et quand il se prosternait. Toutes ces positions-là, dans toutes ces positions, il était équilibré. Et il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se relevait du rukou' pour rester debout, il restait plus longtemps parfois. Hein? Jusqu'à ce que les gens disent, il a oublié où est-ce qu'il est rendu dans la prière. Il se souvient plus qu'il faut se prosterner. Ou bien, entre les deux sajdas, il se relève de la première prosternation, puis il reste assis un certain temps. Il se prosterne pas immédiatement après. Donc, il restait longtemps parfois assis entre les deux prosternations, au point où les gens s'imaginaient qu'il avait oublié de faire la deuxième prosternation. Et il dit qu'il y a ici une note à propos de ceux qui négligent ces deux piliers de la prière, c'est-à-dire le fait de se redresser après le recours et de se redresser entre les deux prosternations, et de yani quand on est entre les deux. Parce que certaines personnes, ils se relèvent du recours et ils se relèvent à peine. Ils font le recours. Ils disent Samir Allahu liman hamida, ils se relèvent à peine debout qu'ils sont déjà prosternés. Hein? C'est comme s'ils n'ont même pas le temps de vraiment se redresser et de prendre le temps de redresser leur colonne vertébrale pour qu'elle soit complètement droite. Ils sont déjà retombés dans la prosternation tout de suite après. Et la même chose dans le sujoud. Ils se relèvent de la première sajda, la première prosternation. Puis, aussitôt, Allahu Akbar, ils sont déjà prosternés encore une fois. Et donc, le cheikh, il dit, ça c'est pas correct. Et c'est en contradiction avec la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quelque chose qui est grave parce que ça fait partie des piliers de la salat. Ça fait partie des piliers de la prière. Puisque, al-i'tidal, wa tama'nina, ça fait partie des pilier, donc dans la salat, il faut que tu ailles ces conditions-là pour que ta prière soit valable. Donc il y en a qui ne tiennent pas compte de ça et ils vont trop rapidement dans leur prière. Après, le cheikh il dit, oui, bon, après le recours, quand tu te relèves, il y a des invocations que tu peux dire. Et les invocations qui sont à dire dans cette position-là, elles sont mentionnées dans les livres de Adhkar, dans les livres de rappel, ok, et elles sont mentionnées aussi dans le livre de Cheikh Al-Albani, la description de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous pouvez retourner à ces livres-là pour voir, mais sinon, il dit « Samia Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd » حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Ça c'est un exemple, comment tu peux le prolonger, et puis tu peux même dire d'autres choses encore après. Donc c'est pour dire que tu peux prolonger ta position d'intidal après le recours et dire des adhkar très longtemps. Lorsque tu te relèves de la première sajda, il y a un zikr à faire, mais c'est pas le même que après le recours. C'est un autre rappel. Quand tu te relèves du sujoud, tu dis, si je me souviens, là ça me revient pas à l'esprit tout de suite. Bon, peut-être plus tard, inchallah, je vais le mentionner. Et non. Donc, c'est ça. Après, le cheikh, il dit نقل الصحابة أو نقل الصحابة هذه الصفة واهتمامهم بها يدل على حرص أهل السنة وأهل العلم على الاقتداء بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو القدوة والأسوة. Donc, le cheikh, il dit que le fait que les sahaba mentionnent cette description et donnent de l'importance à cette description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui nous indique à quel point les sahaba étaient fervents et comment ils avaient un grand désir. Comment les gens de la sunna avaient un grand désir, et de même que les hommes de science, ils avaient un grand désir de rester sur l'exemple de la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre cet exemple-là comme étant la meilleure exemple pour nous dans la salat. Et donc ça c'est un point très important. Le cheikh il dit ensuite wa qawluhu Omar radiyallahu anhu madda fi salat al-fajr يعني كان يطيل القراءة في صلاة الفجر وهذا الفعل له أصل لأن الله جل وعلا يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والمراد بقرآن الفجر صلاة الفجر يعني سميت قرآنا لأنها تطول فيها القراءة فعمر أخذ بهذا رضي الله عنه وربما كان القصد أن عمر كان يخشع في الصلاة الحمد لله يهديكم الله يصلح بالكم نعم دونك للشيخ الزي وربما كان القصد أن عمر كان يخشع في صلاته وقراءته ولا يسرع فيها ويكون هذا هو القصد في إطالة القيام نظرا لأنه يخشع في صلاته ويبكي. Le cheikh il dit que l'exemple ici de Omar ibn al-Khattab, quand Ibn Taymiyyah mentionne que Omar ibn al-Khattab il prolongeait sa salat, il dit qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il prolongeait la récitation dans salat al-fajr du Coran. Il dit ça, il y a une base dans l'islam, dans la charia pour faire ça, de prolonger la récitation de la prière de l'aube. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans surat al-Isra, wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. C'est-à-dire, et la récitation de l'aube est certes assistée. Ou bien, disons qu'il y a des anges qui en sont témoins. Ok? Et en fait, le cheikh explique qu'est-ce que ça signifie. C'est Qur'an al-Fajr, ça signifie ici la prière de Fajr. La récitation de l'aube ou du Fajr, ici ça veut dire en fait la salat de Fajr. Et pourquoi on appelle la salat Qira'a ou Qur'an? Parce qu'elle est prolongée, elle est longue. Et la récitation, on récite un verset qui est long dedans. Et c'est rapporté que donc Omar, il prolongeait la prière de l'aube. Et c'est là-dessus qu'il s'est basé pour faire ça. Et il dit que c'est possible également que Omar, radiallahu anhu, il était tellement concentré dans sa prière, tellement humble dans sa prière, il faisait preuve d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala dans sa prière, qu'il récitait lentement. Il récitait lentement, il se précipitait pas. Et donc, également, c'est pour ça que son qiyam, il était long, et aussi en même temps parce que il était concentré, donc il priait et il pleurait beaucoup dans sa prière, il était concentré. Donc c'est dans ce sens-là aussi qu'on peut dire que sa prière était plus longue dans le Fajr. Après il dit wa qawluhu ma sallaytu khalfa rajulin awjaza salatan min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi tamam al-maqsud bi awjaz yani ijaz ma' al-itmam. Donc il dit, quand il dit j'ai jamais prié derrière quelqu'un dont la prière était plus courte que celle du messager d'Allah, et en même temps complète, et il dit ça veut dire qu'elle était courte mais complète, comme on l'a dit, et il dit que هذا هو المراد بالإيجاز فلا يؤخذ من هذه اللفظة بعض أهل فلا يأخذ هذه اللفظة بعض أهل الأهواء والجهال ليتلاعبوا بالصلاة ويقولوا نحن نوجز كما أوجز النبي صلى الله عليه وسلم لأن أنسا رضي الله عنه قيد هذا فقال في تمام أي إيجاز مع تمام ولا إيجازا مع إخلال ها؟ ومن ذلك أنه كان يعتدل ويطيل الاعتدال من الركوع واقفا حتى يقال إنه قد أوهم ويطيل الجلسة بين السجدتين حتى يقال إنه قد أوهم. Donc c'est pour dire que quand on dit que la prière est courte, il ne faut pas non plus que les gens de la passion se permettent, de même que les ignorants, se permettent de jouer avec la salat pour dire « Ah, mais la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était courte, donc il faut la faire courte. » Il dit que Anas a mentionné qu'elle était courte, mais il l'a restreint en disant qu'en même temps, elle était parfaite, elle était complète. Donc, ce n'est pas une courte prière avec des manquements, mais une courte prière qui est faite de façon complète. Et donc c'est pour ça que ici on mentionne également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se remettait droit après le recours et entre les deux prosternations, eh bien il restait parfois très longtemps jusqu'à ce que les gens pensent qu'il avait oublié de se prosterner ou de faire la deuxième prosternation. Donc ça, c'est pour mentionner donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de, malgré que sa prière était courte, mais il n'y avait pas de manquement dedans. Ensuite, surat al-Isra, le verset exact là, je m'en rappelle, je m'en souviens plus, et Cheikh il l'a pas mentionné. Mais je sais que c'est dans surat al-Isra. Attends une minute. Non. Ensuite, شيخ الإسلام ابن تيمية يلزي وأيضا فيه وأيضا فإنه بإجاز القيام وإطالة الركوع والسجود تصير الصلاة تامة لاعتدالها وتقاربها فيصدق قوله ما رأيت أوجز ولا أتم. Donc après il dit فأما إن أعيد الإجاز إلى لفظ لا أتم والإتمام إلى لفظ لا أوجز فإنه يصير في الكلام تناقضا لأن من طول القيام على قيامه صلى الله عليه وسلم لم يكن دونه في إتمام القيام إلا أن يقال الزيادة في الصورة تصير نقصا في المعنى وهذا خلاف ظاهر اللفظ فإن الأصل أن يكون معنى الإيجاز والتخفيف غير معنى الإتمام والإكمال لأن زيد بن أسلم قال كان عمر يخفف القيام والقعود ويتم الركوع والسجود فعلم أن لفظ الإتمام عندهم هو إتمام الفعل الظاهر وأحاديث أنس كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة وسائر روايات الصحيح تدل على ذلك. نعم. Donc ici le cheikh il explique donc qu'est-ce que ça signifie quand on dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il raccourcissait le qiyam quand il était debout au début et il prolongeait la prosternation et l'inclination pour que la salat soit complète dans les moments où il se redresse et de durée égale pour que sa prière respecte la signification de la parole du prophète ou de la parole de Anas plutôt lorsqu'il a dit je n'ai pas vu la prière de quelqu'un qui était plus courte et complète ni plus courte ni plus complète parce que là il explique en fait la signification de ça et il mentionne que Zayd ibn Aslam avait mentionné que Omar a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il raccourcissait le qiyam au début quand il est debout, quand il récite le Coran, et également al-qu'ud, c'est-à-dire quand il était assis, puis qu'il prolongeait le recours et le sujoud. Donc on comprend de ça que le fait de dire que la prière était complète, c'était dans ce sens-là que ça voulait dire, et dans les actions apparentes. Et les hadiths de Anas, ici, ils indiquent tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prolongeait le recours et le sujoud, et de même que les deux positions lorsqu'il se redressait, en plus, d'une manière qui dépasse ce que font, ou bien plutôt, oui, c'est ça, d'une manière qui dépasse ce que font la plupart des imams. Et la plupart des narrations authentiques indiquent cela. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire ici, Cheikh al-Islam? On va voir le résumé de la parole de Cheikh al-Fawzan. Qu'est-ce qu'il clarifie de ce sujet? Il dit « وَأَيْضًا فَإِنَّهُ بِإِجَازِ الْقِيَامِ وَإِطَالَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ تَصِيرُ تَامَّةً لِاعْتِدَالِهَا وَتَقَارُبِهَا أي أن المراد بالإجاز الإجاز في الصلاة كلها بقيامها وركوعها وسجودها يعني أن لا يطيلها إطالة تخرجها عن المشروع وبالتالي يعود الإجاز إلى صفة الصلاة كلها على هذا التفسير والإتمام يكون في صفة الصلاة كلها أي يوجز الصلاة كلها مع إتمامها كلها أو كما قال الشيخ إن الإيجاز يكون في بعضها وهو القيام والإتمام يكون في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود لأن بعض الناس يفرط في ذلك. Donc voici qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan explique, qu'est-ce que on a lu maintenant en arabe de Cheikh des paroles de Ibn Taymiyyah. Il dit que le fait que la salat soit raccourcie, ou qu'on la fasse plus courte, ou plus concise, ça veut dire que toute la prière au complet, avec la position quand on est debout, ou incliné, ou dans le sujoud, dans tout ça, on la prolonge, mais on ne la prolonge pas d'une manière qui va la faire sortir de qu'est-ce qui est légiféré par Allah. Et donc, on va dire que le fait de prolonger ou le fait de résumer oui c'est ça, donc je recommence parce que je vois que je me suis trompé ici. Al-Ijaz, c'est-à-dire le fait que la salat soit résumée et qu'elle soit plus courte, ça s'applique à toute la salat au complet, et donc ça veut dire que dans le qiyam, quand on est debout, dans le rukou' et dans le sujoud, quand on est incliné et prosterné, tout ça, dans tout ça, on doit le faire d'une façon qui est courte, et résumée et concise. C'est-à-dire qu'on ne va pas la prolonger d'une prolongation qui la fait sortir de ce qui est légiféré. Et donc, on peut dire que la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit qu'elle doit être courte et concise, c'est-à-dire, c'est selon cette interprétation-là. C'est pour toute la salat au complet. Et quand on dit qu'elle était complète et parfaite, eh bien, ça aussi, ça s'applique à la description de la prière au complet. C'est-à-dire que on va faire la salat au complet concise, mais en la faisant complète et parfaite au complet également. Ça, c'est une interprétation du hadith. Que ça s'applique, le fait qu'elle soit concise et résumée ou courte, et qu'elle soit complète, ça s'applique à toute la salat au complet. L'autre explication que le cheikh a mentionné, c'est que elle est résumée dans une partie, hein, concise et courte dans une partie, c'est quand on est debout, puis le reste dans le rukou' et sujoud, et quand on se redresse du rukou' et quand on se redresse du sujoud, et bien là on prolonge. Donc on raccourcit le qiyam et on prolonge le reste. Donc pourquoi? Parce que dans certains imams, ils négligent ces aspects-là. Donc ça, c'est les deux explications qui ont été données de ce hadith. Après, le cheikh il dit: والحاصل أن الإتمام المشروع لا يكون بدون إيجاز والإيجاز لا يكون بدون إتمام أي لا يؤخذ أحد الطرفين ويترك الطرف الآخر كما فعلت الخوارج فإنهم أخذوا بالإتمام وزادوا وطولوا وتركوا الإيجاز والكسالى وأهل الجهل أخذوا الطرف الثاني أي بالإيجاز وتركوا الإتمام. Donc, pour résumer tout ce qu'on a dit, il faut comprendre qu'on doit compléter de façon qu'est-ce qui a été ordonné par Allah. On doit compléter la salat comme il faut et la faire parfaitement sans que ce soit de façon trop courte, pour que ça commence à affecter ta prière, qu'elle ne soit pas complète comme il faut. Donc il faut la faire complète, hein, il faut la faire complète, et mais en même temps courte. Et il dit, on doit la faire courte, mais sans que, sans non plus qu'elle soit, il faut qu'elle soit complète, sans manquement. Il ne faut pas qu'elle soit avec des manquements dedans ou sans qu'elle soit complète et parfaite. Donc il ne faut pas que ce soit un des deux extrêmes. On ne prend pas juste une partie puis on laisse l'autre. Hein? Donc qu'est-ce que le cheikh explique? Il dit, il y a des gens qui ont juste pris l'aspect de parfaire la prière et de la faire complète, comme les khawarij. Et donc eux, ils ont prolongé la prière et ils l'ont fait trop longue. Et ils ont laissé de côté le fait de la raccourcir et de la faire concise et courte. Tandis que les paresseux, les gens de l'ignorance, eux, ils ont pris l'autre côté, l'autre aspect. C'est-à-dire de faire la... Hein? L'autre extrême, c'est ça. Eux, ils l'ont fait trop courte. Et ils l'ont fait tellement courte qu'ils ont manqué... Non, ils l'ont fait tellement courte qu'ils ont manqué les obligations et les piliers de la prière. Donc ça, c'est deux extrêmes. Après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il explique, il dit وقوله زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة أي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين وهذا خلاف ما عليه أكثر أئمة المساجد وسائر الروايات تدل على أن فعله صلى الله عليه وسلم إيجاز مع إتمام. Donc il dit, quand Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mentionne que c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam prolongeait le recours et le sujoud et les redressements après le recours et après le sujoud, plus que ce que font la plupart des imams, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prolongeait le recours et le sujoud et les deux redressements plus que la majorité de ou plus que la plupart des imams des mosquées. Et les autres narrations indiquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça. Il prolongeait, il raccourcissait la prière, mais la faisait de façon complète. Naam. Ensuite, Ibn Taymiyyah mentionne d'autres hadiths encore à ce sujet-là. Il dit wa fi sahihayn an Hammad ibn Zayd. Donc on a vu les deux Hammad aujourd'hui. Hammad ibn Zayd et Hammad ibn Salama. Deux imams parmi les salafs. Et on voit que Al-Bukhari et Muslim, ils ont rapporté de ces deux grands imams. Les imams des salafs, regardez. Il dit an Hammad ibn Zayd, an Thabit, an Anas ibn Malik. C'est-à-dire entre Hammad ibn Zayd et Hammad ibn Salama, il y a seulement une personne dans la chaîne de transmission entre eux et les Sahaba. Donc c'est des gens qui vivaient proches de l'époque des Sahaba, hein? Puisqu'il y a juste une personne dans la chaîne de transmission qui les sépare, hein? Qui les sépare. Non. Il dit qala inni la alu an usalli bikum. لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ثم قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي وفي رواية في الصحيح إذا رفع رأسه بين السجدتين وفي رواية للبخاري من حديث شعبة عن ثابت كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي فهذا يبين لك أن أنسا أراد بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إطالة الركوع والسجود والرفع فيهما على ما كان الناس يفعلونه وتقصير القيام عما كان الناس يفعلونه. Donc le sheikh il explique que il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Hammad ibn Zayd, selon Thabit, selon Anas ibn Malik. Il dit que Anas a dit, yani, je vais pas manquer de prier pour vous la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand il priait avec nous. Et Thabit, il dit que Anas, il faisait quelque chose que je ne vous vois pas faire. Lorsqu'il se relevait, il relevait sa tête du recours, il restait debout, dressé, hein, il se redressait debout, jusqu'à ce que quelqu'un dise, il a oublié. Hein. Et quand il relevait sa tête entre les deux prosternations, ou de la prosternation, il restait assis jusqu'à ce que quelqu'un dise, il a oublié de se prosterner encore. Dans une autre narration, il mentionne dans Sahih, lorsqu'il relevait sa tête entre les deux prosternations, et dans la narration de l'imam al-Bukhari, le hadith de Shu'ba, selon Thabit, que Anas, il leur montrait l'exemple de la prière du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il faisait la salat, hein, il faisait la salat comme l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour leur montrer la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il relevait sa tête du rukou', il restait debout, jusqu'à ce que les gens disent il a oublié de se prosterner, hein? Et ça nous montre que Anas, il dit ça te clarifie que Anas il voulait montrer la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en prolongeant le recours et le sujoud et le redressement dans le recours et dans le sujoud pour montrer ce que les gens faisaient, hein, pour montrer aux gens ce qu'ils faisaient et pour raccourcir le début, comme quand il était debout, quand il récite le Coran, contrairement à ce que les gens faisaient. Donc c'est pour dire que, même encore aujourd'hui, tu vois ça, les gens, quand ils se relèvent du recours, ils ne restent pas longtemps. Ils disent « Sami Allahu liman hamida » puis tout de suite « Rabbana lakal hamd » et ils se prosternent tout de suite direct. Il ne reste pas un temps, hein, debout. Des fois, exact. Aussitôt qu'ils sont relever quelques, une fraction de seconde, clignement des yeux, puis là ils sont déjà prosternés par terre. La même chose entre les deux soujouds, ils ne prennent pas le temps de s'asseoir puis de redresser leur dos comme il faut, puis de prendre leur pose. Non, c'est direct, rapide. Et donc c'est pour ça, tu vois, que ici le cheikh il explique comment Anas radiallahu anhu, il voulait leur montrer les choses que les gens avaient oubliées ou négligées de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le qiyam, quand il prolongeait la récitation du Coran dans le qiyam, c'est pour la prière de Fajr en particulier qu'il faisait très très long. Mais les autres, non, ils faisaient court. Le cheikh, il dit ensuite, cheikh Al-Fawzan, il dit « قَوْلُهُ إِنِّي لَا أَلُوْ أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا هذه هي السنة التي التزم بها أنس منتقدا أهل زمانه الذين يخالفون صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم إما أن يطيلوا ويشقوا على المأمومين وإما أن يخففوا ويخلوا بالصلاة والمطلوب الجمع بين الوصفين بين الصفتين. Le cheikh il dit que Anas il voulait montrer aux gens la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et pourquoi, pour leur montrer les choses qu'ils négligeaient ou les choses qu'ils faisaient qui n'étaient pas correctes. Donc il dit ça c'est la sunna que Anas suivait pour critiquer les gens de son époque qui contredisaient la description de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est soit qu'ils prolongeaient la prière d'une manière qui devenait trop lourde pour les gens, ou bien qu'ils l'allégeaient trop et qu'ils manquaient au droit de la prière. Et donc, qu'est-ce qui est obligatoire pour nous, qu'est-ce qui est exigé? C'est de réunir ces deux caractéristiques-là. Okay? Après, il dit « وَقَوْلُهُ فِي رِوَيَةِ الصَّحِيحِ وإذا رفع أي بالإضافة إلى الاعتدال من الركوع وإطالة ذلك حتى يظن أنه نسي كذلك كان يطيل إذا رفع من السجود لأن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الإسلام من أركان الصلاة ولا بد فيه من الاطمئنان فمن أوجزه وخففه فإنه يكون مضيعا ومخلا بركن من أركان الصلاة. Donc il dit la même chose, comme on doit également, comme on doit se redresser après le recours, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le redressait jusqu'à ce que les gens pensent qu'il a oublié de se prosterner, eh bien il faut également prolonger le redressement entre les deux prosternations, puisque c'est un pilier parmi les piliers de la salat, et il faut qu'il y ait dedans, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, al-itmi'nan. C'est-à-dire la tranquillité, le repos. Il faut être posé. Et celui qui le fait trop court et qui ne reste pas suffisamment longtemps dans le redressement après le recours ou après le sujoud, eh bien, il a manqué à un des piliers parmi les piliers de la salat. Il dit « وَقَوْلُهُ فَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ أَنَسًا أراد بالصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إطالة الركوع أي أن هذا من أنس رد على المخالفين الذين يخالفون في القيام في الصلاة فيطيلونه في حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوجزه ويخفف ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتريث فيه فهم مخالفون للرسول صلى الله عليه وسلم في الصفتين في تطويل القيام وفي تقصير الاعتدال والمطلوب من المسلم أن يعتدل في صلاته فيجعلها متناسبة في الاعتدال. Donc le cheikh il dit, donc il voit que Ibn Taymiyyah il dit que ça vient clarifier que Anas il voulait expliquer la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam en prolongeant le recours et ainsi de suite. Donc il dit que ça c'est une réponse de la part de Anas à ceux qui venaient contredire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans sa salat en prolongeant le qiyam dans la salat et c'est-à-dire ces gens-là, ils prolongent le qiyam et ils le font très long, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il le faisait court. Hein? Et également, ils font le contraire dans les autres parties de la prière, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prolongeait le recours et le sujoud et les deux redressements, et eux ils le prolongent. Donc ils font le contraire de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que sa prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam était équilibrée et modérée. Cheikh il dit ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmahullah, il dit urawa muslimun fi sahihi من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالصورة الخفيفة أو بالصورة القصيرة فبين أن التخفيف الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم هو تخفيف القراءة وإن كان ذلك يقتضي ركوعا وسجودا يناسب القراءة ولهذا قال كانت صلاته متقاربة أي يقرب بعضها من بعض وصدق أنس رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر نحو 60 إلى 100 ويقرأ في الركعتين بطوال المفصل بألف لام ميم وتنزيل وهل أتاك وهل أتى على الإنسان والصفات وقاف وربما قرأ أحيانا بما هو أطول من ذلك وأحيانا بما هو أخف فأما عمر رضي الله عنه فكان يقرأ في الفجر بيونس وهود ويوسف ولعله علم أن الناس خلفه يؤثرون ذلك. Donc le cheikh il dit que Muslim dans son sahih il rapporte un hadith selon Ja'far ibn Sulayman, selon Thabit, selon Anas radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il entendait le pleur de l'enfant avec sa mère dans la salat, alors qu'il était dans la salat, et il récitait une sourate qui était courte ou légère, hein, et il a expliqué que c'était pour alléger. Hein. Donc l'allègement dans la salat, c'est dans la récitation du Coran que ça se passe. C'est là qu'on peut alléger la salat, c'est-à-dire raccourcir la salat, dans la récitation du Coran. Et donc, il voyait que ça dérangeait la mère quand le bébé pleure, donc il raccourcissait la récitation dans la salat. Et donc, il dit, Ibn Taymiyyah, que ça implique également de raccourcir le recours et le sujoud par rapport à ce qui correspond à la récitation. Puisque la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était de durée égale à peu près. Donc, si la récitation était plus courte, eh bien, le recours et le sujoud étaient plus courts. Et le redressement aussi. Donc, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa prière était rapprochée, en voulant dire que ces différentes positions étaient de durée proche les unes des autres. Et c'est-à-dire qu'elles étaient de longueur proche ou égale. Et il a dit vrai. Anas a dit vrai en disant cela, puisque il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait dans la prière de Fajr à peu près 60 versets, de 60 à 100 versets. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans Surat al-Fajr entre 60 et 100 versets. Et il récitait dans les deux raka'ah les versets qu'on appelle al-mufassal, tiwal al-mufassal, c'est-à-dire les mufassal qui sont plus longues. Et il donne des exemples de ça, comme alif lam mim, tanzilul kitab, c'est-à-dire surat az-zumar, ou tanzil, alif lam mim, tanzil, et هل أتى على الإنسان ça c'est surat al-insan as-saffat was-saffat saffa et qaf il récitait des surat comme ça oui au complet dans surat non entre 60 et 100 versets et là donc ici quand il dit alif lam mim tanzil donc il récitait surat al-sajda et surat al-insan et As-Saffat et Surat Qaf. Donc c'était, ça c'est la durée à peu près comment il récitait dans Surat Al-Fajr. Il dit des fois parfois il récitait même plus long que ça et parfois il récitait plus court, parfois plus long, parfois plus court. Il dit tandis que Omar ibn Khattab radiallahu anhu, lui dans Surat Al-Fajr il récitait plus long, il récitait parfois Surat Yunus, parfois il récitait Surat Hud, parfois il récitait même Surat Yusuf. Et ça c'est probablement, il dit que c'est parce qu'il savait que les gens derrière lui appréciaient ça, ils aimaient ça, donc il ne le faisait pas pour que ce soit trop long pour les gens, il le faisait parce qu'il savait que les gens derrière lui ils étaient d'accord avec ça, puis ils aimaient ça. Après donc le cheikh il explique ici, il dit قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه المقصود أن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم متناسبة إجازا مع إتمام في كل الصلاة لا في بعضها وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يخفف لأمور عارضة كأن يسمع بكاء صبي فيخفف رحمة بأمه وإشفاقا على الطفل. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il entendait le pleur d'un enfant avec sa mère. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est que la prière du messager sallallahu alayhi wa sallam était de durée égale dans chaque position. Et que c'était dans toute la salat au complet. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il raccourcissait la salat à cause de certaines choses qui se présentaient subitement. Comme par exemple, quand le bébé, il pleure avec sa mère, donc il raccourcissait la prière par miséricorde pour la mère et également par sentiment pour l'enfant aussi. Il dit wa qawluhu wa sadaqa Anas anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaqra'u fi al-fajr bi nahwu 60 yani kana yaqra'u bil mufassal fa as-sahaba حزبوا القرآن أحزابا في صلاتهم بالليل وقراءتهم اليومية والمقصود بالمفصل آخر القرآن ابتداء من سورة قاف إلى آخر القرآن وسمي بالمفصل لكثرة الفواصل بين آياته وقيل المفصل أي أنه لم ينسخ منه شيء والمفصل فيه أطول ووسط وأقصر فأطول صور المفصل من قاف إلى سورة النبأ وأوسطه من النبأ إلى الضحى والأقصر من الضحى إلى آخر سورة الناس. Donc le cheikh il dit que Anas radiallahu anhu il a dit vrai en disant que la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle était de durée égale dans les différentes positions, différents mouvements. C'est-à-dire qu'il récitait les versets qui sont mufassal. Et les sahaba, ils ont divisé leur récitation du Coran et les sourates qu'ils récitaient dans la prière la nuit. Et les récitations quotidiennes, ils l'ont divisé le Coran en différentes parties, en différents hizb, en différents juz. Hein? Et ils appellent une partie du Coran, ils les appellent al-mufassal, c'est-à-dire yani qu'est-ce qui commence à partir de surat Qaf jusqu'à la fin du Coran, on les appelle al-mufassal. Et une des raisons pourquoi on les appelle al-mufassal, c'est parce qu'il y a beaucoup de séparation entre chacun des versets. Ou bien il y en a qui disent parce qu'il n'y a rien qui a été abrogé de ces versets-là. Donc parmi les Mufassal, parmi les versets ou les sourates qu'on appelle Al-Mufassal, il y a celles qui sont plus longues, il y a celles qui sont moyennes et il y a celles qui sont plus courtes. Et les plus longues parmi les Mufassal, c'est de Surat Qaf jusqu'à Surat An-Naba. Les moyennes, c'est de Surat An-Naba jusqu'à Ad-Duha. Et les plus courtes, c'est de Ad-Duha jusqu'à An-Nas. Donc ça, c'est comment on divise Al-Mufassal. Après, le Cheikh, il dit فَيَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ يعني مِنْ قَاف إِلَى النَّبَى وفي المغرب من قصاره وفي البواقي من أوسطه. Donc il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il récitait dans surat al-Fajr les langues parmi les mufassal, c'est-à-dire de qu'est-ce qui est de Qaf jusqu'à Naba. Dans le Maghreb, il récitait les courtes, de qu'est-ce qui est de Ad-Duha jusqu'à Nas. Et dans les autres salawat, il récitait qu'est-ce qui est yani wasat, yani qu'est-ce qui est moyen, hein, pas trop long, pas trop court. Et c'est-à-dire qu'est-ce qui est entre Al-Naba jusqu'à Ad-Duha. Et il dit wafi ayyamihi وفي أيامنا هذه وللأسف ما عاد الأئمة يقرؤون من المفصل لا في الفجر ولا في غيره بل يقرؤون من الصور الطوال وربما يخلون بالقراءة ولا يحسنونها يخلون بالقراءة ولا يحسنونها ولا يضبطونها وهذا خلاف الأصل. نعم يجوز أن يقرأ من غير المفصل يعني يقرأ من الصور الطوال أحيانا أما أنه يهجر المفصل ولا يقرأ منه أبدا فهذا خلاف السنة وفيه مشقة على الناس لأن المفصل آياته خفيفة لا مشقة على الناس في قراءتها بخلاف بقية الصور الطويلة فيجب على الأئمة أن يراعوا هذا الأمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل القراءة في صلاة المغرب ولقد قرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب بالأعراف وقرأ بالمرسلات وقرأ بالطور ولكن لم تكن هذه عادته المستمرة وإنما في بعض الأحيان. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit que à l'époque actuelle, malheureusement, il dit beaucoup d'imams il ne récite jamais des sourates al-mufassal, ni dans le Fajr, ni dans les autres, dans les autres prières. Ils lisent seulement des longues sourates, des versets dans les longues sourates. Et peut-être même ils font des erreurs dans la récitation, ils ne la récitent pas comme il faut, ils ne la maîtrisent pas. Et ça, c'est qu'est-ce qui est contraire à la base. Il dit oui, c'est permis de réciter d'autres que qu'est-ce qu'on appelle Al-Mufassal, c'est permis. Tu peux lire des longues sourates parfois en dehors de des Mufassal. Mais de quitter complètement, de jamais réciter des Mufassal, il dit ça c'est contraire à la Sunna. Et en même temps c'est dur pour les gens. Parce que Al-Mufassal, les versets sont légers, il n'y a rien de dur là-dedans, de lourd dans la récitation. Contrairement aux longues sourates que tu récites. Et donc il dit c'est obligatoire aux imams de tenir compte de ça. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois il récitait dans Surat al-Maghrib une longue sourate comme Surat al-A'raf ou al-Mursalat ou bien al-Tur, mais ça c'était pas son habitude. C'est pas quelque chose qu'il faisait régulièrement, il faisait ça seulement quelques fois. Non. On va s'arrêter maintenant pour le adhan inshallah. Et puis on continuera la semaine prochaine, inshallah, dans ce cours. Et demain, bien entendu, on va faire notre dars de l'explication du livre Al-Kaba'ir, inshallah. Donc, avec le sharh de Sheikh Al-Fawzan. On s'arrête ici, inshallah, pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Attendez, juste, il reste juste un paragraphe en fait. Je viens juste de voir qu'il reste un paragraphe. Je vais juste terminer ce paragraphe puis après on va arrêter. Il dit وأما ما فعله عمر من أنه كان يطيل القيام والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه من بعده كان يجيزان فالجواب على ذلك كما قال الشيخ أن المأمومين كانوا يؤثرون ذلك فإذا كان المأمومون لا يمانعون في التطويل أو هم يطلبونه أو يستريحون له فلا بأس أن يطول الإمام لأن ذلك لا يشق عليهم أما إذا كان المأمومون لا يؤثرون ذلك فلا يحرجهم. Donc le cheikh il dit que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu il prolongeait et Abu Bakr radiallahu anhu ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait des prières courtes. Il dit la réponse c'est comme Cheikh al-Islam a mentionné que Omar faisait ça long mais les gens qui étaient derrière lui eux ils étaient d'accord avec ça et ils voulaient ça. Donc tu as le droit de prolonger la prière si les gens qui prient derrière toi sont d'accord pour que toi tu prolonges et qu'ils aiment ça et que ça leur fait du bien, ils aiment ça que tu prolonges, c'est correct de prolonger. Tandis que si les gens qui sont derrière toi, ça les dérange ou ils sont pressés ou pour des raisons quelconques, ils ne veulent pas que l'imam prolonge, dans ce cas-là, il ne faut pas prolonger trop la prière. Non, sinon ça sera trop lourd pour eux. Donc je m'excuse, donc j'avais pas vu un petit paragraphe qui manquait. Donc on s'arrête ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le cours d'aujourd'hui, c'était le cours 69.